Géraldine, dans votre carnet de philo, vous allez nous offrir une belle tranche de vie. Eh bien, c'est la rentrée, autant mettre les pieds dans le plat et attaquer avec un sujet fort. Alors voilà, j'étais au restaurant il y a quelques jours avec un ami. Nous mangeons et nous discutions tranquillement, jusque-là, rien d'exceptionnel, jusqu'à l'arrivée d'autres personnes venues elles aussi passer un bon moment autour d'un bon plat. À partir de ce moment-là, tout a changé. Ma soirée n'a plus été centrée sur mes retrouvailles avec cet ami, mais sur cette tablée à côté de nous. Ce n'est pas qu'ils étaient bruyants ou exubérants ou que mon compagnon, à l'inverse, était ennuyeux. C'est juste que par un phénomène que je ne m'explique pas, dès lors que vous avez une conversation dans un lieu public, celle d'à côté vous semble toujours plus intéressante. Et oui. Pas qu'elle le soit dans les faits, mais vos oreilles sont comme happées par ce qui est dit par vos voisins. Vous avez beau vous raisonner, tenter de vous appliquer, de vous concentrer sur les mots prononcés par votre interlocuteur, les paroles d'à côté qui ne vous concernent pourtant en rien ne cessent de vous interpeller. Bon, mais alors, où est la question ? En quoi ça me pose un problème ? Eh bien déjà, il y a quand même un problème de bonne manière. Malgré quelques hochements de tête et des oui-oui un peu mous, on n'y est pas. Et seule transparaissent une adhésion peu convaincante ou pire, une vague indifférence. Est-ce alors un problème de volonté ? Je n'arrive pas à me recentrer, d'intérêt, voire d'amitié. Notre ami n'est peut-être pas si captivant que ça. Peut-être avez-vous connu ça, Guillaume, aussi. Ou bien de curiosité mal placée, la vie des autres, quand elle ne nous concerne pas, a quelque chose d'excitant. C'est bien la question, pourquoi suis-je donc happée, interpellée, presque subjuguée par ce qui se dit ailleurs et n'a rien à faire avec moi, et n'est pas plus exaltant, il faut le dire, que ma propre conversation. Qu'est-ce qui fait que, quoi que je fasse, mon attention va être parasitée et détournée de ce qui est pourtant censé la capter? Et pourquoi le fait de se dire qu'il faut être attentif à ma conversation avec mon ami n'est-il pas suffisant? Mais peut-être que tout simplement le problème de cette situation est un problème d'attention. Alors justement, est-ce si simple qu'un problème d'attention ? Car ce qui est paradoxal dans ce genre de situation, c'est que non seulement on n'écoute pas la personne qui s'adresse à nous, mais on se rend compte qu'on ne l'écoute pas. On se voit soi-même inattentif. On est attentif à notre propre inattention. Et je dirais même qu'on est triplement attentif. Attentif à la conversation d'à côté qu'on écoute, attentif à la bouche de notre interlocuteur qui s'agite et qu'on n'écoute pas, et attentif au fait que se produit ce détournement de notre attention. Sans parler bien sûr de notre attention à propos de ce qu'on est en train de manger. Simone Weil, justement, la philosophe, précise que le plus souvent, on confond l'attention avec une espèce d'effort musculaire. Autrement dit, l'attention, ce n'est pas faire attention, mais je cite encore, suspendre sa pensée, la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet. Faut-il ainsi déduire de ma non-écoute, de mon indifférence à l'égard de mon ami, que je fais l'expérience non pas d'un défaut de volonté, ni de curiosité, ni même de civilité, mais que j'expérimente au contraire toute mon attention, que je suis pleinement disponible, vide et pénétrable, mais pas à mon objet ami. Faut-il conclure qu'en étant impoli, on est en fait pleinement ouvert aux autres? Alors cette explication, je dois dire, a quelque chose de rassurant, de déculpabilisant, mais malgré tout, quelque chose d'assez gênant. Alors oui, en écoutant la conversation d'à côté, j'ai fait preuve d'attention avec un grand A, mais à part faire cette grande expérience, presque mystique si j'en crois Simone Weil, franchement, je me demande quel souvenir vais-je garder de cette soirée.